Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et nous allons poursuivre sur le thème de la cigarette électronique. Est-ce qu'elle peut permettre aux fumeurs de se défaire de la cigarette conventionnelle et donc des risques qui lui sont associés? Ou est-ce qu'elle peut être aussi un engrenage qui mènerait les non-fumeurs vers la cigarette conventionnelle? Alors, la question autour de cette nouveauté dérange et fait débat. Alors, on en parle avec Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Donc, c'est ça, avec l'arrivée de la cigarette électronique dans nos vies, il y a plusieurs personnes qui sont quand même inquiets. Ils voient en cela un ennemi contre la réduction de la consommation de cigarettes et d'autres produits du tabac. Et donc, on craint le discours classique, on craint pour nos jeunes. Plusieurs sont inquiets que ces gadgets-là permettraient aux gens de contourner les règles anti-tabac qui font maintenant partie de notre quotidien là, depuis quand même quelques années maintenant. Mais avant de commencer, Philippe, j'aimerais ça, en fait, on a tous un peu entendu parler de la cigarette électronique. Peux-tu nous détailler, en fait, ce qu'est physiquement une cigarette électronique? Ouais, je pense que c'est important de ramener un peu qu'est-ce que le gadget oui, fait, en fait. Effectivement. Là. Donc, une cigarette électronique, c'est un évaporateur portatif qui prend la forme d'une forme cylindrique qui ressemble, en fait, à une cigarette. Mais il y en a qui n'ont pas du tout le même genre de couleur ou peut-être même la forme est un peu différente. Il y en a qui essaient d'imiter une cigarette normale. Il y en a qui pas du tout. C'est un bâton métallique. En fait, il ressemble à une cigarette autant que n'importe quel cylindre ressemble à une cigarette. Donc, il y a une question de mode là-dedans. Oui, tout à fait. Elles permettent de vaporiser à l'aide d'une chaleur produite par un courant électrique, une solution de solvant qui contient des arômes et aussi parfois de la nicotine. Donc, sous la forme fondamentale, une cigarette électronique n'a presque rien à voir, en fait, avec une cigarette normale. Et son appellation cigarette électronique est, à mon avis, un peu... porte à confusion. Ouais, ça devrait pas s'appeler comme ça. En fait, ça devrait s'appeler un inhalateur ou un vaporiseur, comme dans certaines autres cultures de consommation. C'est appelé comme ça, en fait. Sauf que ça serait peut-être un peu moins sexy. Puis que peut-être. Il y a clairement peut-être moins de public pour ça. Il y a clairement peut-être une notion de... Mais peut-être à l'inverse aussi. Parce que quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec la cigarette pourrait en fait être trompé par le nom. Donc, dépendamment de la composition du liquide qui est évaporé par une cigarette électronique, on peut vraiment permettre d'inhaler une vapeur à saveur de fraise, lime, menthol, orange, avec et sans nicotine ajoutée. On peut ajouter en fait d'autres molécules psychotropes. Et donc, on peut même en fait aussi ajouter un liquide à saveur de tabac, ce qui là rendu là brouille un petit peu la limite entre une cigarette normale et une cigarette électronique. Mais ce n'est qu'un cas spécifique. Ouais, c'est un fait. Donc, dépendamment du liquide avec lequel on charge la cigarette électronique, on peut obtenir des produits très différents et c'est voulu en fait. Oui, c'est tout à fait. Ça fait partie du design flexible de la chose et c'est peut-être ça qui porte à confusion parce que de ce point de vue-là, une cigarette électronique n'est qu'une bouteille en fait. Ah, c'est ça. C'est ce qu'elle contient en fait qui va déterminer son effet et cette confusion nous amène à nous demander contre quoi en fait notre société a-t-elle légiféré avec ses lois anti-tabac, mais surtout dans quel but on a légiféré contre le tabac. Ouais, c'est un fait parce que sous cet angle effectivement. C'est comme si, en fait, dans le but d'interdire la consommation d'alcool, un établissement bannissait les verres. Oui, c'est la fin logique extrême de cette notion-là que les cigarettes électroniques, c'est mal. C'est que c'est ça qui fait réagir avec les cigarettes électroniques, c'est qu'elles ressemblent à des cigarettes, elles demandent de faire la même action physique qu'une cigarette à part l'allumer. C'est en fait l'inhalation d'une vapeur. Dans le cas d'une cigarette, c'est une fumée et dans le cas d'une cigarette électronique, c'est une vapeur. Il y a quand même une différence importante ici. Je vais y revenir un peu. Et donc l'analogie du verre et de l'alcool a quand même une faiblesse par contre. C'est que dans le cas de l'alcool, la grande partie des risques pour la santé est associée à l'alcool elle-même. Donc, l'alcool est l'agent dangereux pour la santé et la substance qui cause la dépendance en même temps. Donc, les deux rôles sont donnés à l'alcool. C'est comme si quelqu'un pensait qu'il réglerait son problème d'alcool en allant du vin à la vodka, qui est un produit beaucoup plus pur. Mais le problème, c'est pas les jus de raisin ou les saveurs de vin, c'est l'alcool. C'est l'alcool, effectivement. Dans le cas des produits du tabac, ces problématiques-là sont vraiment séparées, en fait, parce que nous avons d'un côté les produits de combustion de la feuille de tabac, puis aussi les produits contenus dans le tabac en tant que tel, qui présentent en fait la plus grande quantité qui causent en fait la majorité des dégâts pour la santé. Et d'un autre côté, on a la nicotine qui est présente dans le tabac de manière naturelle, qui, en plus de ses effets neurologiques stimulants, cause une forte dépendance. Donc la problématique est séparée en deux morceaux au niveau du tabac. La nuance est importante, comme tu dis, surtout que lorsqu'on y ajoute toutes les gommes de type Nicorette et les patchs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de montée de bouclier infini contre les patchs et la gomme. C'est parce qu'on s'est très bien reconnu que la nicotine en tant que telle a quand même relativement peu d'effets négatifs, là. Donc, ces produits-là sont vraiment disponibles en libre d'utilisation et procurent, dans le fond, à l'organisme sa dose de nicotine sans les substances cancérigènes et dommageables que produit une cigarette. Donc, dans les faits, si quelqu'un inhale avec une cigarette électronique un mélange contenant de la saveur de framboise avec de la nicotine, cet individu-là ne fait absolument rien de fondamentalement différent que quelqu'un qui mâcherait une gomme Nicorette à saveur de framboise. C'est ça. Il fait la même action, en fait. Et sur une forme légèrement différente, soyons d'accord, mais sur les effets sur la santé, c'est complètement identique, en fait, là. Donc, ces individus-là consomment de la nicotine avec une saveur de framboise, sans la très grande majorité des risques associés au tabagisme. Donc, selon toi, les individus qui affirment que les cigarettes électroniques sont dommageables pour la santé font fausse route. Ben c'est pas qu'il y a, c'est sûr qu'il y a toujours des risques à tout, mais je crois que ce qui est un petit peu irresponsable, c'est de faire un parallèle comme si les dangers du vrai tabagisme étaient avec quoi que ce soit à voir avec les dangers de la cigarette électronique, alors qu'on parle d'une catégorie de risque complètement différente au niveau de la santé. Donc, non seulement ils font pas fausse route, mais ils nous démontrent aussi que nous avons probablement démonisé le tabagisme au point tel que nous avons perdu en tête l'objectif du changement de culture que notre société a fait contre le tabagisme. Le tabagisme, ça tue, là. C'est l'union d'un produit qui cause de graves problèmes de santé à une substance très addictive comme la nicotine. Et c'est ça qui est problématique, là. C'est l'union de ces deux phénomènes-là ensemble qui est vraiment catastrophique pour nos soins de santé. Et mais pris séparément, on obtient un stimulant addictif comme la caféine. Et si on le sépare en deux, on obtient de l'autre côté une activité olfactive dommageable pour la santé non addictive. Si vous fumeriez du tabac sans nicotine dedans. Uh-huh. Et là, on s'approche un petit peu du beigne au chocolat, dans le sens que ce n'est qu'un... si la cigarette n'était pas addictive parce qu'elle n'avait pas de nicotine, ce ne serait qu'une expérience sensorielle, un peu pas nécessairement comme une autre, mais quand même une expérience sensorielle dommageable pour la santé, mais que vous n'auriez pas tendance à répéter puisque non addictive. Mais là, on pourrait dire que le beigne au chocolat peut être addictif, ça c'est un autre débat. Mais la subtilité, c'est que la cigarette électronique à saveur de tabac sont peut-être plus dommageables que celles aromatisées au citron. C'est pas certain parce que dépendamment des molécules qu'on ajoute au liquide dans la cigarette électronique pour donner une saveur de tabac, il y a peut-être des molécules qui ressemblent aux molécules dangereuses dans le tabac. Et là, peut-être qu'on brouille la ligne et peut-être que là c'est plus clair. Il y aurait vraiment intérêt à investiguer si une cigarette électronique à saveur de tabac aurait des effets peut-être plus similaires à du tabac normal. Mais celle-là, la saveur de fraise avec seulement de la nicotine, ça briserait complètement la logique toxicologique de la chose si ça créait autant de problèmes que la cigarette normale. Mm-hmm. Certainement pas le cas. Mm-hmm. Mais on a aussi interdit le tabac pour des raisons, pour d'autres raisons comme la nuisance de l'odeur et la fumée secondaire. Oui, aussi. Et c'est là que peut-être que les règles vont devenir un petit peu plus difficiles à respecter dans le sens que ça reste quand même un argument valable. Si quelqu'un utilise une cigarette électronique à saveur de cigare cubain dans un abri de bus, vous seriez en fait victime de l'odeur de tabac. Mm-hmm. Mais par contre, la problématique des dangers pour la santé de la fumée secondaire, ou plutôt de la vapeur secondaire, reste très réduite comparée à une cigarette conventionnelle, ça c'est certain. Donc on a un petit peu les deux effets qui se mélangent ici, là. Mais si nous n'agissons pas contre les cigarettes électroniques, n'y a-t-il pas un risque que fumer redevienne cool? C'est peut-être un risque, en fait, mais ça nous met en face, en fait, de la stratégie anti-tabac à adopter. C'est que, à une autre époque, s'attaquer au geste d'apporter à notre bouche un objet cylindrique et d'inhaler une fumée, ça voulait dire, la majorité du temps, être contre fumer du tabac, fumer de la cigarette. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'action. Le problème, c'est qu'avec une cigarette, vous inhalez de la fumée d'une plante qui produit plusieurs produits cancérigènes, qui obstrue vos voies respiratoires et vous absorbez en plus un composé qui cause la dépendance. Donc, je crois que nous devrions recentrer notre attention sur les particularités du tabagisme et ne pas se porter dans un combat dogmatique contre l'action d'inhaler et aussi de la consommation de nicotine en général. Mm-hmm. Parce que pris séparé, la nicotine en général, ça a le plus de parallèles avec peut-être la caféine ou... La caféine, le café en tant que tel, c'est pas dangereux, ni la caféine vraiment à l'intérieur du café, mais ça cause quand même une dépendance. Ça a un effet psychotrope. Ça a un effet sur votre système nerveux central. Et donc, la nicotine se rapproche un peu de ça. Donc, je pense que ça serait bien d'avoir je pense que les doctrines abolitionnistes et de prohibition sont pas nécessairement les plus efficaces pour contrôler tout ça. Et le problème aussi, c'est que quand on déplaise aux détracteurs de la cigarette électronique, il serait vraiment préférable que la cigarette électronique gagne en popularité si cette croissance se fait aux frais du tabac classique. Uh-huh. Et c'est ça la vérité, uh-huh, en fait, qui dérange. Merci beaucoup, Philippe, pour cette mise en perspective. Merci. Alors, nous allons faire une pause publicitaire, après quoi nous allons vous revenir avec Bérangère Capdequis.